garçons sont comme les filles, les hommes comme les femmes, tous ont les mêmes droits que les autres personnes. C'est un appel lancé par l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, en collaboration avec les autres organisations membres du consortium We Are Able. Merci de rester fidèle à Radio Isanganiro. Voici le journal, dont voici tout de suite le sommaire. L'ancien Premier ministre Alain Guillaume Wunyoni vient d'être condamné à vie et une partie de ses biens confisqués, une décision judiciaire annoncée par la Cour suprême ce vendredi. Le projet de loi organique portant révision du code électoral adopté en Conseil des ministres tenu mercredi porte à 100 millions de francs burundais la caution exigée pour la candidature au poste de président de la République. Un recul pour la démocratie au Burundi, réagit Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Pénurie de carburant dans la capitale Bujumbura, la situation ne manque pas de compromettre les activités économiques et même de créer des mésententes entre employeurs et employés pour les retards prononcés de ces derniers au travail. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. La caution exigée pour la candidature au poste de président de la République est désormais portée à 100 millions de francs burundais, celle des députés et sénateurs à 2 millions. Ce sont les quelques modifications contenues dans le projet de loi organique portant révision du code électoral adopté en Conseil des ministres, tenu mercredi et annoncé par le secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Prosper Nahorwamiye a également indiqué que la campagne électorale va durer 2 semaines au lieu de 3 et que les candidatures au poste de conseiller communaux sont conditionnées par un paiement de 200 000 francs burundais. On l'écoute. L'idée de combinaison de 3 scrutins est abandonnée. Il n'est donc plus nécessaire que la campagne électorale dure 3 semaines. Il est proposé qu'elle dure 2 semaines. Les Burundais résidant hors du pays peuvent voter pour les candidats de leur circonscription électorale d'origine, y compris le candidat indépendant. Afin de limiter les déclarations de candidatures fantaisistes, pour les élections des conseillers communaux, il est proposé une caution de 200 000 francs burundais par candidat indépendant ou par liste de candidats des partis politiques ou de coalitions des partis politiques. Pour décourager certains comportements qui pourraient compromettre le processus électoral, il est proposé qu'il soit érigé en infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, de propager dans des canaux de communication ou sur les réseaux sociaux, des messages susceptibles de compromettre le processus électoral ou d'attiser la violence électorale, d'annoncer ou de proclamer les résultats d'une élection avant les organes compétents. Après échange et débat, le projet a été adopté avec entre autres observations et recommandations suivantes. Ajouter dans les visas la référence à la loi régissant la presse au Burundi. Réaménager les visas en commençant par les lois les plus récentes. Ajouter une disposition qui précise les lieux de déroulement des élections. Préciser que les coalitions des partis politiques sont formées après la convocation des élections pour lesquelles elles veulent se constituer candidates. Porter la caution de candidature au poste présidentiel à 100 millions de francs burundais. Porter la caution de candidature au poste de député et de sénateur à 2 millions de francs burundais. Insérer une disposition sur la représentation de chaque zone au sein du conseil communal pour le parti ayant remporté des élections au niveau de cette zone. Revoir à la hausse l'amende pour toute personne physique ou morale qui perturbe le déroulement des élections à l'aide des fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses. Et ces cautions exigées à ceux qui vont se faire élire lors des élections de 2025 et 2027 au Burundi sont exorbitantes et viennent faire reculer la démocratie. Réaction de Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR, arguant que ce qui a été adopté ce mercredi diffère de ce qui a été convenu dans la réunion du ministre de l'Intérieur avec les responsables des partis politiques en date du 23 octobre dernier. Suivez Gabriel Banzawitonde. formule pour appeler, nous disons que nous sommes tristes, puisque le 23 octobre, le ministre de l'Intérieur nous a réunis pour analyser ensemble ce projet de loi. Alors, on a contribué fortement pour montrer que la démocratie devrait être garantie. Ici, on s'est borné sur trois points essentiels, surtout sur les questions des conseils communaux, les documents exigés d'un candidat, puisqu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de documents qu'on exigeait. Alors, on a sollicité qu'on peut demander peu de documents, mais celui qui a été élu peut compléter les documents. Sur la caution du présidentiel, on a dit qu'il faut laisser 30 millions, puisqu'aujourd'hui, si on analyse la vue de la population, comment est-ce qu'on peut recorter 100 millions? Et ici, on peut souligner que la loi interdit que les partis politiques reçoivent des contributions, des aides des manières de l'extérieur, pour dire que les partis politiques fonctionnent avec les contributions, avec les cotisations des membres. Vous entendrez bien qu'avec la vue aujourd'hui de la population burundaise, avoir 100 millions, c'est beaucoup. C'est pourquoi nous voyons que ce projet-là, on vient de casser la démocratie au Burundi qu'on aille difficilement. Ce que nous allons faire, nous allons concerter avec d'autres partis politiques pour voir comment on peut demander l'Assemblée nationale et le Sénat de ne pas adopter cette loi qui peut conduire à annihiler la démocratie déjà franchie difficilement. Mais aussi, c'est un crédit pour surtout le parti au pouvoir et le gouvernement de comprendre qu'en faisant la hausse, les cautions pour peut-être bloquer les gens de se présenter aux élections. C'est de se tromper, puisqu'en bannissant les gens de se présenter aux élections, on donne la chance que les partis politiques peuvent se coaliser et pour former une coalition forte, peut-être qui pourra gagner les élections. Alors vous entendrez bien que la décision prise devrait être analysée pour que demain, bien après demain, ça sera peut-être que le parti au pouvoir qui sera président. Mais dans l'ensemble, il faut laisser la démocratie déjà garantie, laisser les gens participer aux élections, puisqu'on ne peut pas céder à la démocratie qu'on a difficilement. Gabriel Vanzawitonde, président du parti APDR. Je vous l'avais dit dans les titres, une peine de perpétuité, une amende de plus de 20 millions de francs burundais, la saisie d'une partie de ses biens. Tel est l'arrêt rendu ce vendredi à Gitega par la Cour suprême à l'encontre de l'ex-premier ministre, le général de police Alain Guillaume Wignoni. Ses co-accusés ont été infligés d'une peine de prison allant de 3 à 15 ans. Les condamnés comptent interjeter appel. Gérard Nibigira. C'est vers 16h de ce vendredi que le président du siège de la Cour suprême en itinérance à Gitega a prononcé les arrêts rendus par cette juridiction à l'endroit du prévenu, le général de police Alain Guillaume Wignoni, ex-premier ministre et ses co-accusés. Ainsi, l'ex-premier ministre a été infligé d'une peine de perpétuité avec amende de plus de 20 millions de nos francs et la saisie de tous ses biens non déclarés à la Cour suprême, mais les biens qu'il avait déclarés à la Cour suprême restaient pour lui. Le colonel de police Désiré Ouamahoro, ancien commandant de la brigade anti-émette, et Bafoumoukeko Samuel Destino, cadre décennaire, service national de renseignement, et comme Niyonsaba, ingénieur architecte de l'ex-premier ministre, ont été infligés d'une peine de 15 ans de prison ferme. Merkia de Nduimana, chef de colline Mubone, où s'était réfugié l'ex-premier ministre, et un policier chauffeur de ce dernier, ont été quant à eux infligés d'une peine de 3 ans de prison ferme. Cependant, un autre chauffeur policier de l'ex-premier ministre, Dino Dodidas et Igiraneza, a été acquitté. Cela étant, ces condamnés n'ont pas apprécié la manière dont ces arrêts leur ont été communiqués. Ils ont d'abord dit en murmurant qu'ils n'ont pas eu les copies de jugement. Ensuite, les arrêts ont été prononcés en langue française, non comprise par tous, à tel point que l'autre qui a été acquitté n'avait rien compris. Heureusement pour lui que ses co-accusés l'ont informé par après. Enfin, le président du siège qui lisait ces arrêts l'a fait à une grande vitesse, ce qui ne leur a pas permis de tout saisir. Il compte donc interjeter appel. C'est dans le dossier de tentative de renversement du régime en place. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isangani. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des habitants de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils se déplacent difficilement en cette période de pénurie de carburant. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters font savoir qu'ils passent beaucoup de temps sur les parkings de bus à attendre les moyens de transport. Ils disent qu'ils sont souvent en conflit avec leurs employeurs pour les retards. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème récurrent. Jean-Marie Vianenge Ndakoumana. Certains habitants de la ville de Bujumbura se lamentent qu'ils se déplacent difficilement dans cette période où la pénurie du carburant s'observe. Les deux rencontrés au parking se trouvant près de l'école normale supérieure estiment que cette situation entraîne des retards au travail. Le manque de déplacement causé plus particulièrement par pénurie du pétrole, il y a d'abord du désordre dans différents services. Maintenant, le déplacement, c'est comme si on a abandonné. On trouve une série de bus dans des stations à cause de la manque de carburant. Il ajoute en outre que ce retard est à l'origine des conflits entre les employés et les employeurs. Les employés et les employés peuvent se chamailler parce que arriver au travail à temps, ça devient un problème. Imaginez-vous ceux qui viennent de la périphérie de la ville pour arriver au travail, pour arriver en ville, ça sera un problème parce qu'il y aura manque de quoi de déplacement. Des étudiants, se déplacer, ça sera aussi un problème. Arriver à l'école, ça sera un autre problème. Mais aussi, il y aura dysfonctionnement de différentes activités. Par exemple, des entreprises qui ont besoin du pétrole pour qu'ils puissent fonctionner, ça sera aussi un problème. Il déplore en plus que cette situation se reproduit le soir. Quand il quitte le milieu de travail, il parle plus de 3 heures de temps qu'on passe sur les files d'attente avant de rentrer à la maison. Ses habitants demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Il demande également de renforcer la sécurité sur les parkings du fait que les actes de banditisme se multiplient lorsque les passagers se bousculent pour prendre les bus. Jean-Marie Vianney, Nguinda Kumana et d'autres habitants toujours de la capitale économique Bujumbura qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent qu'ils ne comprennent pas la persistance de cette pénurie de carburant alors que le gouvernement avait promis de trouver une solution à ce problème. Ils lui demandent donc de trouver cette solution de façon durable pour ce problème qui touche leur quotidien. Suivez ce micro-baladeur. Je ne peux vraiment rien dire de cette pénurie de carburant, car ce n'est pas la première fois qu'elle survient. C'est un problème qui date de longtemps. Nous sommes coincés sur les stations-service. Avant-hier, j'ai passé la nuit à la station-service, tout près de Novotel. Ceux qui font le transport des biens sont en train de perdre leur travail, étant sur les queues devant les stations-service. Leurs chefs leur disent qu'ils leur ont donné leur véhicule pour chercher de l'argent, et non pour s'asseoir sur les stations-service. Ce n'est vraiment pas possible. Le gouvernement nous avait promis qu'il n'y aurait plus de pénurie de carburant au Burundi. Nous avons des autorités qu'on a mandatées pour résoudre la question. Comment sommes-nous arrivés à cette situation? Ce n'est vraiment pas possible. Cette situation nous touche tous. Quelle est ta face? Tous sont possibles pour résoudre cette situation, car ce sont eux, nos dirigeants. Qu'ils envisagent comment nous sortir de cette situation, car, par exemple, si une personne vient de passer 3 jours à la quai, il ne peut accepter de t'acheter quelque chose. Même perturbation du transport à partir ou à destination de la ville de Rumonge ces derniers temps avec une hausse du prix du ticket de transport qui est passé de 1 000 à 3 000 francs burundais. À l'origine, c'est la pénurie de carburant doublée du mauvais état de la route nationale numéro 3 Rumonge-Bujumbura, surtout dans son tronçon Gitazamagara. Les passagers et les transporteurs trouvent urgentes des initiatives allant dans le sens de trouver une solution à ce problème. Jean-Pierre Misako. Sur le tronçon Rumonge-Nyanzalak, certains conducteurs le disent ouvertement que le ticket est passé de 6 000 francs burundais à 7 000 francs burundais et les passagers se bousculent pour prendre place au regard du nombre réduit de véhicules de transport suite au manque de carburant. Sur le tronçon Rumonge-Bujumbura, c'est une autre tactique adoptée par les transporteurs de passagers, surtout à bord des bus Quaster, pour empocher 10 000 francs burundais et même plus comme ticket de transport Rumonge-Bujumbura, qui était normalement de 7 000 francs burundais. La plupart d'entre eux ont en effet instauré de fausses escales pour éviter de dire publiquement que le ticket de transport est désormais de 10 000 francs burundais au lieu de 7 000 francs burundais de peur d'être sanctionné. Avec ces escales tronquées, le passager se retrouvera avec un ticket de transport de 10 000 francs burundais et même plus au lieu d'un ticket de transport qui qui coûtait normalement 7000 francs burundais pour faire le tronçon Rumonge-Bujumbura. Ici, c'est le manque de carburant doublé du mauvais état de cette route, surtout dans son tronçon Magara-Gitaza, qui est évoqué. Sur le tronçon Rumonge-Bururi, un conducteur contacté dit que le ticket de transport est resté inchangé et préférera parquer son véhicule si son réservoir venait à se vider afin de ne pas s'exposer à des sanctions. Tous ceux qui se sont exprimés voudraient que ce problème de manque de carburant trouve enfin une solution définitive. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Et le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Lidwine Nebaradahana, déclare que les longues procédures de passation des marchés handicapent l'avancement des activités dans son ministère. Elle l'a dit à l'Assemblée nationale alors qu'elle analysait le rapport de la Cour des comptes sur la capacité de gestion budgétaire de ce ministère sur 4 ans à partir de 2019. La ministre de la Santé qui a déclaré que des symptômes de la COVID-19 ont été enregistrés, bien que l'on ne puisse pas aujourd'hui déclarer une épidémie de COVID. Éclairage apporté ce vendredi par le ministre de la Santé suite à des inquiétudes sur la grippe qui frappe actuellement beaucoup de gens. Suivez-la, elle est traduite en français par Lydie Gahimbare. Actuellement, vous voyez qu'il y a des changements climatiques très forts. Même à Bujumbura, il fait froid. Beaucoup de familles ont été affectées sans y être préparées. C'est pour cela que vous avez vu que des enfants de la maternelle, du primaire, ont été les premiers à être touchés par cette grippe, voire les internes. Au ministère de la Santé, nous avons vu que les symptômes sont similaires à ceux du COVID-19. Nous avons fait des examens pour voir s'il n'y a pas de corona. On n'a pas encore rendu public les résultats pour ne pas inquiéter la population comme quoi le COVID est de retour. Mais nous avons fait ces examens sur des milliers de patients. Il y a des symptômes sur un retour du COVID qui peut ressurgir, mais ils ne sont pas nombreux. Maintenant, on peut dire que les symptômes sont là, mais nous attendons encore pour pouvoir déclarer le COVID. Par contre, nous appelons la population à se laver régulièrement les mains. La ministre de la Santé, Lidwine Waradahana, traduite en français par Raissa Liliane Gahimbari. Les parents d'élèves du lycée technique Alessandro Rossi d'Ongozi peuvent désormais recevoir à distance les notes des interrogations faites par leurs enfants. Il en a été le cas pour ce premier trimestre de l'année scolaire en cours, et cela grâce à un logiciel permettant d'envoyer au téléphone d'un parent les points de son enfant chaque fois qu'il fait une interrogation ou examen avant la proclamation. Le directeur technique de ce lycée, Fabrice Niorugira, reconnaît que cette technique présente plusieurs avantages, aussi bien pour les enfants, pour les parents et même pour les éducateurs. Suivez-le au micro d'Apollinaire Muzakara. Il y a un grand avantage. Disons, du côté des parents, il y a un message qui parvient au téléphone du parent, de l'élève. S'il n'a pas de téléphone, peut-être au voisinage, hein, il peut y avoir quelqu'un qui a son téléphone et il nous fait son numéro-là. Aussitôt terminé, à la dernière opération, quand l'autorité de l'école décide d'envoyer le message aux parents, le parent reçoit automatiquement la note de son enfant. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, je dirais que ça va beaucoup plus vite que quand on utilisait l'outil archaïque où on fait les additions avec le stylo à billes. Ça, c'est du côté du parent. Pour l'éduquer, là aussi, il y a un avantage. Le premier, c'est que l'opération est faite très rapidement. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il n'y a plus de réclamation du côté des élèves quand on n'utilisait pas ce logiciel-là. Également, pour les professeurs, mais aussi pour l'administration, il y a aussi cet avantage que le travail est vite fait, mais également, le travail est facile. Je dirais même que actuellement, qu'on a beaucoup d'élèves, se tromper est humain et avec ce logiciel, il n'y a plus d'erreur. Les femmes qui ne sont pas solidaires entre elles et leur faible participation aux activités organisées par les partis politiques, voilà quelques défis liés à la faible représentativité des femmes dans les postes de prise de décision. Ce sont les propos de certaines femmes encadrées par l'organisation Groupement des femmes pour la redynamisation des valeurs éthiques. Cette organisation les exhorte à promouvoir les activités susceptibles d'augmenter leur représentativité. De son côté, le ministère de la Solidarité nationale les appelle à miser sur les activités visant leur émancipation. Un reportage de Jackson Bahati, lu par Jean de Dieu Irakotse. Il s'agit d'une femme, entre autres, encadrée par le projet Mwanamke Amani na Usalama, qui veut dire femme, paix et sécurité. Ici, elle note certains obstacles liés à la faible représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision, dont la solidarité entre elles diront les votes. Les femmes ne se votent pas entre elles. Les femmes se font élire, mais d'autres femmes ne les votent pas. Je leur demande de participer dans des partis politiques, d'élire et de se faire élire. Ces femmes demandent que les femmes qui occupent déjà des postes de prise de décision à leur servir de porte-parole pour inverser cette tendance. Ces femmes qui occupent déjà des postes de responsabilité devraient être nos porte-parole pour que l'épanouissement de la femme à la base soit assuré. Aline Providence Kaneza, représentante du groupement des femmes pour la redynamisation des valeurs éthiques, leur demande d'abord de se créer des places dans les formations politiques. Nous encourageons ces femmes à prendre le devant, à se faire élire et élire les candidates du moment que les filles et les femmes ont l'avantage d'être plus nombreuses que les hommes et garçons, comme le montrent les données du recensement. De son côté, le représentant du ministère de la Solidarité, Désiré Niomungere, conseille ces femmes à développer les travaux visant leur émancipation, notamment les études. Les femmes leaders devraient continuer à défendre leur émancipation et devraient en découdre avec les anciennes mentalités lesquelles privilégient l'homme. Il faut qu'elles pensent que les filles et garçons doivent évoluer sur le même pied d'égalité. En outre, ces leaders doivent garder à l'esprit que les 30% ont été décrochés par des femmes qui se sont sacrifiées. Il faut qu'elles continuent dans la même voie. Ces propos ont été tenus à marge de la campagne dédiée aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre pour inciter les femmes à s'intéresser davantage à leur représentativité dans les instances de prise de décision. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton. Les programmes de Radio Isanganiro continuent.